Before we return to breakfast, here are two short activities. First, écoutez la serveuse et répétez. Voulez-vous du café ou du thé? Of course, if you're having tea or coffee, you may want some milk. Du lait. Or some sugar. Du sucre. Using the construction voulez-vous, offer in the pause, du sucre. Voulez-vous du sucre? Now offer du lait. Voulez-vous du lait? Now listen again to the waitress's question. Écoutez encore la question de la serveuse. And also, et aussi, Hélène's reply. La réponse d'Hélène. Voulez-vous du thé ou du café? Du thé, s'il vous plaît. Maintenant, c'est à vous de répondre. Now it's your turn to reply. Répondez avec s'il vous plaît. Reply with please. Par exemple, voulez-vous du thé ou du café? Choose tea. Du thé, s'il vous plaît. Ready? Here's the first. 1. Voulez-vous du jus de pomme ou du jus de pamplemousse? Choose grapefruit juice. Du jus de pamplemousse, s'il vous plaît. 2. Voulez-vous du pain ou des croissants? Choose bread. Du pain, s'il vous plaît. 3. Voulez-vous du beurre ou du fromage? Choose butter. Du beurre, s'il vous plaît. 4. Voulez-vous du sucre ou du lait? Choose sugar. Du sucre, s'il vous plaît. Et 5. Voulez-vous du fromage ou de la confiture? Choose cheese. Du fromage, s'il vous plaît.